إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. C'est un plaisir pour moi de prendre part à ce séminaire intensif organisé par le Merkez al-Ghuraba. Et je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les auditeurs qui suivent ce séminaire dans le but d'étudier la religion. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde et vous accorde la réussite, que vous êtes dans un bien immense. Car la demande de science est l'une des meilleures œuvres par laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur. Abu Nu'aym rapporte dans son livre intitulé Al-Hilya, ainsi qu'Ibn Abdelbar dans son livre Jami' Bayan al-Ilm, d'après Sufyan al-Thawri, ainsi que l'imam al-Shafi'i, qu'ils ont dit: il n'y a pas meilleur après ce qui est obligatoire que la demande de science. Cette parole est immense et provient de deux montagnes de science qui ont connu la vraie valeur de la science. Après ce qui est obligatoire, il n'y a pas meilleur que la demande de science, car celui qui apprend la science et la met en pratique atteindra de hauts degrés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Mujadila: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève en degré ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. L'imam al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans le tafsir de ce verset: celui qui regroupe la foi et la science, Allah l'élève pour sa foi, puis plus encore pour sa science. Fin de citation. Également, ce qui indique que la demande de science est la meilleure action après ce qui est obligatoire, et que la science est la seule action qui reste après la mort, tandis que les autres actions s'interrompent. L'imam Muslim rapporte, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf trois choses. Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf trois choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. L'éminent savant Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous mentionne un point très important au commentaire de ce hadith. Il nous dit, hafidhahullah, que le monde continu peut finir par s'arrêter. Il nous dit que le monde continu peut finir par s'arrêter. Et l'enfant pieux finit par mourir, tandis que la science reste et ne s'interrompt jamais. De ce fait, nous devons prendre conscience de l'importance de la science. Et nous devons faire beaucoup d'efforts dans son acquisition, car la science ne s'obtient pas avec le repos du corps. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. L'imam Shafi'i a dit, rahmahullah, mon frère, tu n'acquerras la science que par six choses. Je vais te les exposer clairement: l'intelligence, l'application, l'effort, le travail, la compagnie d'un enseignant et la patience. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter dans l'accomplissement de ce qu'il aime et agrée. Comme cela a été annoncé, nos assises lors de ce séminaire seront sur le chapitre des mosquées du livre Bulugh al-Maram. Et avant de commencer, l'explication des ahadiths que l'imam Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné, nous allons tout d'abord voir la signification du mot masajid, donc les mosquées. Donc le mot masajid est le pluriel du mot masjid, désigne le lieu de prosternation. Tandis que dans la terminologie religieuse, ce lieu de prosternation a deux sens. Le premier est un sens général, qui est tout endroit où la prière est effectuée. Et ceci englobe toute la terre, que ce soit dans une construction ou non. Et la preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. D'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la terre est pour moi un lieu de prière. Et le deuxième est un sens particulier, c'est-à-dire tout lieu prévu pour la prière. Et c'est ce sens qui est voulu dans ce chapitre. Lorsque Ibn Hajar nous dit dans Bulugh al-Maram, Kitab al-Masajid, il veut par là le deuxième sens, c'est-à-dire tout lieu prévu pour la prière. Également, le mot masjid, donc mosquée, peut avoir le sens des membres de prosternation. Selon certains pieux prédécesseurs, c'est ce qui est voulu dans le verset de Surat al-Jin, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. C'est-à-dire que ces membres avec lesquels on se prosterne sont des créatures d'Allah. De ce fait, il ne faut pas se prosterner avec pour autre que lui. Voilà ce qu'on peut dire concernant le mot masjid. Donc l'auteur nous dit, rahmahullah, Aïcha, qu'Allah l'agré, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné que soient édifiées des mosquées dans les quartiers et qu'elles soient nettoyées et parfumées. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud. Dans ce hadith, Aïcha, qu'Allah l'agré, informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la construction de mosquées dans les quartiers. Et les savants nous disent que la base et que l'ordre montre le caractère obligatoire de la chose ordonnée. Ce qui est le cas ici. Cependant, il faut savoir que l'obligation est de deux sortes. La première est l'obligation individuelle. C'est-à-dire qu'il est obligatoire à chaque personne d'accomplir cette action. Telles que les cinq prières, par exemple. Et la deuxième obligation, c'est l'obligation communautaire. C'est-à-dire que cette action est obligatoire pour une partie de la communauté. Et quelqu'un pourra se demander, est-ce que l'obligation de construire des mosquées est communautaire ou individuelle? Et la réponse à cette question est que cette obligation est une obligation communautaire. Car certaines personnes de la communauté suffisent pour construire une mosquée. Également, Aïcha, radiallahu anha, nous informe dans ce hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de nettoyer et parfumer les mosquées. Et concernant l'ordre du nettoyage des mosquées, il est général. C'est-à-dire qu'il englobe le nettoyage des impuretés ainsi que celui des saletés. Malheureusement, beaucoup ignorent qu'il y a une grande récompense à nettoyer la mosquée. Et certains considèrent même le nettoyage de la mosquée comme une corvée. Alors qu'en vérité, il y a dans le nettoyage de la mosquée une grande récompense. Quant à l'ordre de parfumer les mosquées, les savants nous disent que cela peut être fait avec tout ce qui sent bon et avec tout ce qui a une bonne odeur. Cependant, ce qui est le plus profitable est l'encens. Et les pieux prédécesseurs parfumaient les mosquées avec de l'encens. De ce fait, la majorité des savants sont d'avis qu'il est recommandé de parfumer la mosquée avec de l'encens. Au contraire de l'imam Malik rahimahullah, qui lui est d'avis que cela est détestable. Voilà ce qu'on peut dire concernant ce hadith. Ensuite, il dit, rahimahullah, Abu Huraira, qu'Allah l'agré, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, maudisse les juifs. Ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de culte. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et dans la formulation de Muslim, il est ajouté « et les chrétiens ». Dans ce hadith, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté contre le fait de faire des tombes des lieux d'adoration. Et cette mise en garde est survenue lors de l'agonie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu dans le hadith précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la construction de mosquées dans les quartiers. Cependant, les gens ne doivent pas être enterrés dans la mosquée, car les mosquées ont été construites pour la prière, la lecture du Coran et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate la lumière fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Dans des mosquées qu'Allah a ordonné d'édifier et de révérer afin que son nom y soit mentionné et où on le glorifie matin et soir. Dans ce hadith, l'interdiction de faire des tombes, des lieux d'adoration, englobe deux choses. La première est l'interdiction de construire des lieux d'adoration sur les tombes. Car ceci, en vérité, n'est qu'une passerelle vers le polythéisme. En effet, lorsqu'un édifice est construit sur une tombe, certaines personnes de la masse sont troublées et ont la conviction que ceci est une preuve que cet endroit est béni et qu'il faut y adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains vont même finir par adorer la tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Comme c'est le cas de certains musulmans aujourd'hui. La deuxième est l'interdiction d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès des tombes. Que ce soit la prière, l'invocation, le sacrifice ou autre. Cependant, on exclut la prière mortuaire, salatul janaza, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière mortuaire auprès de la tombe de la femme qui nettoyait la mosquée. Ainsi, celui qui construit un lieu de culte sur une tombe s'est rendu coupable de plusieurs choses. La première, et qu'il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'expose à un lourd châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. La deuxième chose est qu'ils ressemblent aux mécréants, car ce sont eux qui ont pour habitude de construire des lieux d'adoration sur les tombes. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des polythéistes, des gens de la caverne: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Mais ceux dont la vie l'emporte à dire et le vont au-dessus d'eux un lieu de prière. Et lorsque Ummu Salama et Ummu Habiba, qu'Allah les agrée, ont rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elles avaient vu une église en Abyssinie où s'y trouvaient des représentations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsqu'un homme pieux parmi eux décédait, il construisait sur sa tombe un lieu de culte. Et les premiers à avoir construit des édifices sur les tombes dans cette communauté sont les chiites, et plus précisément les Fatimites. Ensuite, les Soufis les ont suivis dans cela. Le troisième point est qu'il fait partie des pires créatures. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant ceux qui construisent des édifices sur les tombes: Oulaïk shirarul khalq indallah. Ils sont les pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un pourrait se demander: pourquoi ceux qui construisent des édifices sont-ils les pires des créatures? Et certains savants nous expliquent que ces gens sont les pires des créatures car ils ont ouvert les portes du polythéisme avec cette action. Et ils ont été la cause de l'égarement de la communauté. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, Abu Huraira, qu'Allah l'agré, rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un groupe de cavaliers en mission. Ils revinrent avec un homme qu'ils attachèrent à l'un des piliers de la mosquée. Et il mentionna la suite du hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'homme qui fut attaché à un pilier de la mosquée n'est autre que Fumama, qu'Allah l'agré, lorsqu'il était mécréant. Ainsi, l'auteur veut montrer par ce hadith la permission pour les mécréants d'entrer à la mosquée. Et ceci est l'avis de certains savants. Tandis que d'autres savants sont d'avis qu'il est strictement interdit pour le mécréant d'entrer à la mosquée. Et il se base sur le verset de sourate At-Tawbah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu innama al-mushrikuna najas fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha » Ô vous qui croyez, les polythéistes ne sont qu'une souillure, qu'ils n'approchent plus la mosquée sacrée après cette année. Selon ces savants, cette interdiction englobe toutes les mosquées et n'est pas restreinte à la mosquée sacrée. Quant au hadith que l'auteur a cité, ce groupe de savants le considère comme abrogé. Cependant, l'avis le plus juste est que cette interdiction est spécifique à la Mecque et non à l'ensemble des mosquées. Ceci dit, il doit y avoir un intérêt dans l'entrée du mécréant à la mosquée. Et cet intérêt est de deux types. Le premier est un intérêt pour la mosquée. Par exemple, il n'y a pas de mal qu'un technicien rentre dans la mosquée pour réparer quelque chose, même s'il est mécréant, car il y a dans cela un intérêt pour la mosquée. Le deuxième type d'intérêt est un intérêt pour le mécréant, comme celui qui rentre dans la mosquée pour observer les musulmans prier, pour apprendre l'islam. Il n'y a pas de mal dans cela. Surtout que cela peut être une cause de son entrée en islam. Par contre, s'il y a un méfait dans son entrée à la mosquée, ceci n'est pas permis. Comme celui qui rentre à la mosquée pour ternir l'image de l'islam, par exemple. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, il rapporte également que Omar, qu'Allah l'agrée, passa près de Hassan, qui déclamait une prose dans la mosquée, et il le regarda avec réprobation. Celui-ci répondit, « J'y déclamais de la prose alors que s'y trouvait quelqu'un de meilleur que toi. » Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Dans ce hadith, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, passa près de Hassan ibn Thabit, le plus célèbre des poètes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plupart de ses poésies étaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il passa auprès de lui alors qu'il récitait une poésie. Omar radiallahu anhu le regarda avec réprobation. Et Hassan, qu'Allah l'agrée, fut forcé de lui dire qu'il a déjà récité une poésie dans la mosquée en présence de meilleurs que lui. Et ce qui est voulu par cette phrase, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Hassan a déjà récité une poésie en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est la permission de réciter une poésie dans la mosquée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Cependant, ceci est régi à certaines conditions. La première est qu'il y ait un profit dans cette poésie. La deuxième est que cette poésie ne dérange personne, car si ça dérange les fidèles de la mosquée, ce sera interdit. Et la preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui qui se rend à la mosquée de manger de l'oignon et de l'ail pour que les gens ne soient pas dérangés par l'odeur de ces deux aliments. Alors que dire du fait d'être dérangé dans sa prière ou dans son invocation par une poésie? La troisième condition est que cette poésie ne provoque pas un mouvement de foule et un attroupement autour de celui qui récite la poésie, car cela va perturber les fidèles de la mosquée. Le deuxième enseignement est le bon comportement de Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, car il n'a pas blâmé Hassan directement, mais il l'a plutôt regardé avec réprobation, au contraire de beaucoup de personnes qui vont blâmer les gens concernant une action commise sans pour autant avoir la certitude qu'elle est interdite. Le troisième enseignement est que l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve. Car Hassan a pris comme preuve l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la permission de réciter une poésie dans la mosquée. Et il n'y a aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'approuve pas le faux. Et certains savants nous disent que la sunna est de trois types. Nous avons la première catégorie de sunna, celle qui est relative aux propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons la deuxième, celle qui est relative aux actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, nous avons la troisième, qui est celle qui est relative à l'approbation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, il rapporte également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entend un homme demander à haute voix, après une bête perdue dans la mosquée, qu'il dise qu'Allah ne te la rende pas, car les mosquées n'ont pas été édifiées pour cela. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. L'auteur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a mentionné ce hadith pour clarifier un comportement que le musulman se doit d'observer lorsqu'il est à la mosquée. Et ce comportement est qu'il ne doit pas lancer un avis de recherche dans la mosquée. Ainsi, il est interdit pour celui qui a perdu quelque chose de dire aux gens à la mosquée: qui peut me retrouver ce que j'ai perdu, à haute voix. Et l'interdiction n'est pas restreinte par une phrase en particulier. Ce qu'on regarde et qu'il demande concernant une chose perdue, ceci est interdit, car les mosquées n'ont pas été construites pour lancer des avis de recherche. Elles ont plutôt été construites pour l'évocation d'Allah, la prière, la lecture du Coran, l'étude de la science et autres. Parmi ce qui rapproche le serviteur de son Seigneur, ils n'ont pas été construites pour des raisons mondaines. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui entend dire cela d'invoquer contre lui qu'Allah ne lui le rende pas. Que la chose perdue soit de l'argent, un animal, un objet précieux ou autre. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait ordonné d'invoquer Allah pour qu'il ne rende pas cet objet indique que cette personne a commis une chose interdite qui ne convient pas de faire dans la mosquée. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: car les mosquées n'ont pas été édifiées pour cela, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend un comportement éminent. En effet, si tu dis à une personne qui lance un avis de recherche à la mosquée qu'Allah ne te la rende pas, il est fort probable qu'il ait quelque chose contre toi. Et il est fort probable qu'il va trouver quelque chose dans son cœur contre toi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de rajouter cette phrase pour que le cœur de notre frère s'apaise et pour qu'il n'y ait rien dans son cœur contre nous. Et ceci nous indique que le musulman doit éviter de fâcher son frère, que ce soit avec la parole ou encore les actes. Et dans le cas où il prononcerait une parole qui pourrait le toucher, alors qu'il lui explique la raison pour laquelle il l'a prononcée. Et pour finir avec l'explication de ce hadith, il est bon de préciser que l'interdiction qui est visée dans ce hadith concerne uniquement l'intérieur de la mosquée. Par conséquent, si une personne lance un avis de recherche devant la mosquée, il n'y a aucun mal à cela, incha'Allah ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, il rapporte également que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si vous voyez quelqu'un vendre ou acheter dans la mosquée, dites qu'Allah n'accorde aucun profit à ton commerce, rapporté par Tirmidhi. Ce hadith nous montre l'interdiction de vendre et d'acheter dans la mosquée. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné d'invoquer contre celui qui vend ou achète dans la mosquée. Qu'Allah n'accorde aucun profit à son commerce. Et les savants ont dit que le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonne d'invoquer contre celui qui achète ou vend dans la mosquée, indique qu'il a commis un interdit. Et dans un autre hadith, on retrouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'achat et la vente dans la mosquée. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud et il est authentifié par Cheikh Al-Albani, l'imam An-Nawawi et Ibn Hajar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et concernant la vente en elle-même, elle est caduque. Car certains savants ont cité une règle importante dans le commerce. Ils disent que lorsque l'interdiction d'achat et de la vente concerne un droit d'Allah, la vente est caduque. Tandis que lorsqu'elle concerne un droit de la créature, la vente est valide. Par exemple, il est interdit de ne pas traire une vache pendant plusieurs jours pour la vendre par la suite. Car lorsque l'acheteur va analyser la vache, il verra qu'elle a énormément de lait, ce qui va le pousser à l'acheter. Si tel est le cas, et qu'il se rend compte de la ruse après l'achat de cette vache, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Le premier est qu'il annule la vente. Et le deuxième est qu'il garde la vache car la vente est valide. Donc voici un exemple d'interdiction de vente et d'achat concernant le droit du serviteur. Quant à l'interdiction d'achat et de la vente concernant le droit d'Allah, la vente est caduque. Et les mosquées sont les maisons d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur un point important. Certains de nos frères, qu'Allah leur accorde la réussite, sont d'avis que le commerce dans la mosquée est autorisé. Par conséquent, il leur arrive de faire des transactions à l'intérieur de la mosquée. Et lorsque tu leur demandes des explications, ils te disent qu'il y a divergence sur ce sujet. Alors qu'en vérité, ceci n'est pas tout à fait correct. Car dans le commerce, on retrouve plusieurs types de ventes. Parmi elles, al-bay'u bil kalam, c'est-à-dire la vente par la parole. Exemple, Zayd dit à Mohammed, combien vends-tu ta montre? Et Mohammed lui répond 100 euros. Et Zayd de répondre j'accepte. Dans cet exemple, la vente se résume à la parole. La marchandise n'est pas présente. Et concernant cet exemple, les savants ont divergé. Certains sont d'avis que c'est détestable, et d'autres sont d'avis que c'est interdit. Mais l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala, est que cela est interdit. Et parmi les types de ventes, on retrouve celle qui est accompagnée d'une transaction. Imaginons que Bakr dit à Amr, combien coûte ton livre? Et Amr lui répond, 10 euros. Ensuite Bakr, donc sort les 10 euros, les donne à Amr, qui récupère le livre. Concernant cet exemple, les savants sont unanimes concernant son interdiction. Et je profite de l'occasion pour rappeler un point qui est très important. Celui qui suit les divergences finira en règle générale par tomber dans l'interdit. Certains frères, qu'Allah leur accorde la réussite, ont pour habitude de suivre les divergences et prennent toujours les avis qui les arrangent. Et quand tu les questionnes sur leurs agissements, ils prennent la divergence comme preuve. Dès qu'ils entendent qu'il y a divergence, ils s'empressent de prendre certains avis sans pour autant regarder s'il est faible ou fort, sans pour autant regarder si la divergence est considérée ou non. Et malheureusement, certains d'entre eux finissent par tomber dans l'interdit. Car celui qui ne cherche pas la vérité finit par être éprouvé par le faux. Quand il y a une divergence dans un sujet, on ne prend pas l'avis qui nous arrange, mais plutôt on prend l'avis qui est basé sur des preuves. En sachant que dans beaucoup de sujets, il y a un avis qui nous fait sortir de la divergence en règle générale. Prenons l'exemple du commerce dans la mosquée. Certains sont d'avis que c'est autorisé, et d'autres sont d'avis que c'est interdit. L'avis qui nous fait sortir de la divergence est l'avis qui indique l'interdiction de faire du commerce dans la mosquée. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque tu vas blâmer ses frères, lorsqu'ils vont choisir des avis qui sont très éloignés, ils vont te dire Anta mutashaddid. Ils vont te dire tu fais preuve de dureté. Tu fais preuve de dureté. Tu ne peux pas me blâmer car les savants ont divergé. Ou encore, la parole connue, pas de blâme dans les sujets divergents. Et cette parole n'est pas tout à fait correcte. Car lorsque la divergence est faible, il faut blâmer celui qui a pris cet avis faible, au contraire de celui qui a pris un avis dans un sujet où la divergence est forte. En résumé, il est interdit de faire du commerce à la mosquée, que ce soit uniquement avec la parole ou en effectuant la transaction. Et maintenant, nous allons mentionner certaines choses qui rentrent dans cette interdiction. La première est de coller des affiches sur les murs de la mosquée pour inviter les fidèles de la mosquée dans un magasin. Ceci est interdit. Il est obligatoire d'enlever ces affiches, car les mosquées n'ont pas été édifiées pour cela. La deuxième chose est de faire la monnaie dans la mosquée. Cela est interdit, car comme l'ont mentionné les savants, c'est une sorte de commerce. Par contre, l'éminent savant et Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, a exclu la situation suivante. Il nous dit, rahmahullah, que si une personne a, on va dire, 10 euros, et qu'il voit un pauvre dans la mosquée, et qu'il veut lui donner moins que 10 euros, il lui dit par exemple, prends ces 10 euros et donne-moi 5 euros. Dans cette situation, il n'y a pas de mal à faire ça, incha'Allah, car ceci n'est pas considéré comme du commerce. La troisième chose et de demander une marchandise à quelqu'un dans la mosquée. Exemple, Zayd dit à un vendeur, est-ce que tu as telle marchandise? Et le vendeur lui répond, Naam, j'ai cette marchandise. Et Zayd de dire, j'en veux deux, Inch'Allah. Ceci est interdit. Car comme le précisent les jurisconsultes, la vente et l'achat n'ont pas de formulation particulière. Ainsi, tout ce qui indique un contrat de vente est considéré comme une vente et un achat. La quatrième chose est la location. Il est interdit que deux personnes concluent une location à la mosquée. Par exemple, Abdullah dit à Mohamed, je te loue ma voiture pour 20 euros la journée. Et Mohamed lui répond, j'accepte. Ceci est interdit. La cinquième chose que nous allons voir dans ce cours qui rentre dans cette interdiction, le commerce par le biais du téléphone. Que ce soit via une application, telle que WhatsApp, Telegram ou autre, ou à travers un appel. Ceci est interdit. Et cela est la fatwa de nos grands savants, tels que l'éminent savant Al-Sheikh Salih Al-Fawzan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Maintenant, nous allons voir certaines choses qui ne rentrent pas dans l'interdiction. La première est le fait de payer une dette à la mosquée. Il n'y a pas de mal à payer une dette dans la mosquée, car ceci n'est pas considéré comme du commerce. La deuxième chose est de rendre un objet qu'on t'a prêté. Par exemple, si on t'a prêté un crayon, il n'y a pas de mal à le rendre à son propriétaire dans la mosquée. La troisième chose est de demander le prix d'une marchandise. Il n'y a pas de mal dans cela, à part dans le cas où cela distrait les fidèles de la mosquée. La quatrième chose qu'on peut mentionner dans ce cours, qui ne rentre pas dans l'interdit, est le commerce près de la porte de la mosquée. Comme cela est connu dans certains pays, cela ne rentre pas dans l'interdiction. Et nous allons finir l'explication de ce hadith par un point important. Est-ce que l'invocation qu'Allah n'accorde aucun profit à ton commerce vise le commerce de la personne de manière générale ou bien elle vise uniquement son commerce fait dans la mosquée? La réponse à cette question est que cette invocation vise uniquement le commerce qui a été fait dans la mosquée, car la mosquée n'a pas été construite à cet effet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.